s'embrouille à dessous. Je laisse ça pour les mecs qui ont pas trop de choix. Tout ça c'est sur les ponts déçus, tu me diras y'a pas trop de choix. Tout ce shoot pour le shit le cash, sachant que tout s'achète. Plus personne réfléchit, tout se fléchisse, n'agisse plus en cachette. Dis-moi t'es qui là, cool les cales, ton esprit à coup t'es qui là. Calme des maths, t'es cool à couillon, si tu crois où là. Ça fout la merde, on n'attend plus le clair de lune. Même si la mer pleure l'air de rien, on pense qu'à se faire de la caillasse, tout se perd le sens du respect. Façon que se perd de nos jours, à croire qu'y'a plus moyen qu'on espère. C'est la merde, merde, trop de merde et marre de légion. Crise grave, bref, et revenique tout à croire qu'on est légion. Si l'ai-je mais l'âge, 10 ans est inférieur à 20 ans. Disons que dans 20 ans, tout se retrouvera à gratter des patous. Tout va trop vite, faut pas se rater, on se croit tôt. Délige de la rue trop tôt, personne nous fera d'air, on mise trop gros. Les mecs à l'hameçon, ton âme sans l'âme sœur. C'est l'âme sans manche, piche, qui si on fait ce qu'on peut pour vivre heureux en acte 19. C'est la guerre, car sans les boucliers, notre fusion crée un archéotérix, attaque sec. Ne vois-tu pas qu'une bouclier, la même merde dans tous les quartiers. Un quart de mes frères ont décidé cette fois plus de quartier. Y'a trop de blessés, blessés, peut-être plus ont tous pressé de faire la première page d'une précision. On esthésie, on encaissera ou on cassera. Tout, même on se lassera. Les gars qui pensent comme nous finiront pas au fond d'un trou. On n'hésite plus à trouer, on se trouve, c'est devenu une prouesse, une manière de se prouver. Entre des, facile de se prouver. Cité excité, cité aussi d'autres, on chante comme des sites où brûle des gabarits, quand tiens, on brûle ces sites. Ici des cordons, on va croire que ça fait partie du décor. Tous d'accord, des guerres, des cas bagarres, les armes sont tissors. Les lascars en terre, à tort et à travers, les balles sont lâchées. Du sang de cracher, une vie de plus de cachet. C'est la guerre, car les hangars, car l'enguerre plus garant. Rêve tous de gloire et tête des gores en plus des garants. Quitte à finir derrière les barreaux, de toute façon y'a plus de barrière. On en oublie les parents, tous rêvent de devenir le parrain. Entre Bazané, Renoir, Blanc, Zané, Léon, tous liés pour se lever sec. Tu sais que fini le temps du check. C'est la guerre, car sans les boucliers, notre fusion crée un archéotérix, attaque sec. Ne vois-tu pas qu'une bouclier, la même merde dans tous les quartiers. Un quart de mes frères ont décidé cette fois plus de quartier. Il faut tous les abattre, putain, plus de potrin que des putains, plus d'un. On finit plus d'eau, on chien comme plus d'eau, le banc écrase. Aussi sous crise. Les marques des putes, jamais je représenterai la France, moi je suis pas une pute. Putain, c'est vrai qu'on se répète, mais sans répit, ça se la pète. Beaucoup complotent, j'ai pas de date, rien que des dettes à donner. Tous abonnés, Dieu les bénisse, tous bannis. Ici plus moyen de pardonner, rappelle-toi bien ton récuyère, je vais le fredonner. Si tu veux goûter à la Kafka, rappelle-toi qu'avant, ça saigne à base de poing, la tête pleine de barreaux, on est pas vous. Ici c'est le pavé, que tu peux te manger en pleine face, fils, que des fouilles. Si se froisse, fonce ou on défonce, fils. Tous règles à coup de bastos, y'a même plus de règles, basta. Faudra bien qu'on y passe tous si tu causes trop, on te casse la gueule. On sait que trop de gars nous en veulent, à eux de montrer ce qu'ils valent avant que nous ouvrions le bal. C'est la guerre, car sort les boucliers. Une fusion crée un archéoptérix, attaque sec. Ne vois-tu pas qu'une bouclier, la même merde dans tous les quartiers. Un quart de mes frères ont décidé cette fois plus de quartier. C'est la guerre, car sort les boucliers. Une fusion crée un archéoptérix, attaque sec. Ne vois-tu pas qu'une bouclier, la même merde dans tous les quartiers. Un quart de mes frères ont décidé cette fois plus de quartier.